allons vivre ici. Que mon Dieu est celui qui a délaissé ce qu'elle a dans la tête. أحسنت. وأخذنا روايتين أخريين من هذا الحديث. نأخذ ضد فيرسون الحديث من بعض الترمذي والنسائي يقول والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Que le croyant c'est celui dont les gens sont à l'abri de lui dans leurs biens, dans leur vie. وكذلك زاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. Que le mujahid est celui qui lutte pour de vrai, celui qui aura combattu son âme, qui aura repoussé, on va dire, les mauvais penchants de son âme pour obéir à Allah Azza wa Jal. Naam. Ahsantum. Alain, ça n'achouze le hadith al-sabir. Et le sabir, il y a ta'alak bi al-sadis. Comme on l'avait dit, il a un lien avec celui d'avant. Il y a le mu'allifu rahimahullah ta'ala an Abdillah ibn Amr radiallahu anhuma, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. Donc selon le sahabi qui est Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, car son père également était un sahabi, alaykoum assalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre caractéristiques, celui qui les regroupe en lui sera un pur munafiq. Et s'il a l'une d'entre elles, il aura parmi lui une des caractéristiques des munafiqin. Il a dit, jusqu'à ce qu'il la délaisse, cette caractéristique. Lorsqu'on lui confie, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il enfreint. Et lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Le hadith est le muttafaqun alayhi. Donc ça, c'est les caractéristiques du munafiq. Et comme l'auteur va le dire, ça c'est le nifaq al-amali, celui qui n'est pas du kufr. Mais il est très grave quand même. Yaqul al-nifaqu asas wa shar wa huwa an yuzhira al-khayr wa yubtinu al-shar. Donc le nifaq, c'est la base du mal. C'est le fait de faire apparaître le bien tout en renfermant soi-même le mal. Et on traduit cela par l'hypocrisie. C'est le thème qui convient. Sauf que l'hypocrisie, peut-être plus large que cela, tu n'es pas forcément obligé de renfermer un mal, mais tu renfermerais le contraire de ce que tu penses. En fait, ça va plus loin que le bien ou le mal. C'est ce que tu dis, tu penses le contraire. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبتن الكفر وهذا النوع مخرج من الملة ومن الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. Et il a dit, selon cette définition qu'il vient de citer, alaykoum salam, la générale qui est de faire apparaître le bien et de renfermer le mal, ça c'est une définition qui est globale. Mais elle renferme cette définition, le nifaq, lui qui est le akbar, irtiqadi, celui dont la personne laisse apparaître l'islam, alors qu'au fond de lui, il renferme le kufr. Il fait croire qu'il est musulman, qu'il croit, alors qu'il ne croit pas. Et cette forme de, cette catégorie de nifaq, fait sortir de l'islam complètement. Celui qui est de la sorte, il sera au niveau le plus bas du feu. Voilà, azabillah. Car celui-là, il est le pire des gens et le plus dangereux pour les gens de l'islam, car ce n'est que par les traîtres que les adversaires ont toujours pu avoir le dessus sur les gens. Celui qui est avec toi, et quand tu as le dos tourné, il te poignarde, ou alors qui ouvre, qui habite avec toi, qui ouvre la porte à ton ennemi alors que tu as bien fermé. Et celui en qui tu penses qu'il sera fiable et qu'il sera à tes côtés, en réalité, il te trahit. Le munafiq. Il y a un mot qu'on emploie souvent également, l'imam al-munafiq ou az-zindiq. Zindiq, qu'on emploie, qui en général, c'est le même sens que munafiq. Et il y a des ulama qui ont cité des particularités par lesquelles ils se différencient l'un et l'autre. Yaqulun an az-zindiq est celui qui reconnaît al-risala, le message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais s'y oppose. Alors que le munafiq, il ne croit pas du tout. وبعضهم قالوا أن الزنديق هو الذي يظهر نفاقه. الزنديق celui qui fait apparaître clairement son nifaq. La munafiq se cache. Le zindiq lui parle ouvertement. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن. Comme ils sont nombreux en cette époque cela qui parle. Mais généralement quand on dit zindiq on veut dire munafiq. كلاهما بمعنى واحد. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية بهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الدين الإسلام. Et Allah عز وجل a déjà décrit ces gens-là, ces munafiques, par les pires des caractéristiques. Toutes, comme le kufr, ou l'absence de foi, ou la moquerie envers la religion et les gens de la religion, et la moquerie envers eux, et un penchant total vers les ennemis de la religion, avec qui ils participent pour combattre la religion. Les munafiqoun se mettent dans les rangs des kuffars pour combattre les gens de l'islam. Soit par la parole, soit par un soutien financier, soit de différentes façons, mais ils sont avec eux. « Wa mawjoudoun fi kulli zaman, wa la siyama fi hadha az-zaman allazi tarat fihi al-madiyah wal-ilhad wal-ibahiyah » Ils sont présents à chaque époque. Et lui, comme on a dit, surtout cette époque-ci, dans laquelle, justement, le matérialisme et l'athéisme et le libertinage se sont fortement répandus. Ils apparaissent. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur de personne. Il fut un temps quand les gens avaient une vraie accroche à la religion, ils devaient se cacher. Mais aujourd'hui, on est tellement devenus faibles que ces gens-là, bah, comme on dit, ils ont pris de la confiance, ils se permettent de parler car ils se sentent à l'abri. Et il n'y a plus aucune sentence qui leur soit appliquée, ni rien du tout. Et surtout, on n'a plus le kufr. Parce qu'ici, c'est, ici, pour eux, c'est un terrain de jeu. Comme vous le savez. Donc, dans les pays de kufr, on les verra plus souvent. Ils s'exprimaient le plus. Et souvent, ils sont mis en avant. Souvent, vous allez voir les kuffars prendre ces gens-là pour parler au nom de l'islam. يقول المقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي. Donc il dit maintenant dans ce hadith le nifaq qui est visé c'est le nifaq amali, celui qui n'est pas du kufr, celui qui est l'hypocrisie de base. وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه دحليز الكفر. Et même si ce genre de nifaq ne t'excommunie pas de la communauté, il reste un portail qui t'emmène, lui, vers le kufr. Une passerelle. Donc, il est très dangereux. Man ijtama'at fihi hadhi al-khisal al-arba' faqad ijtama'a fihi al-shar wa kharusat fihi nu'ut al-munafiqin. Donc, celui qui aura réuni ces quatre caractéristiques aura réuni tout le mal. La trahison, le mensonge, la malhonnêteté, et le fait d'outrepasser les limites lors des disputes. Par exemple, tu as un problème avec lui sur une mas'ala, quelconque, vous avez un khilaf sur un négoce de commerce, lui, pour te discréditer, il va apporter des choses qui n'ont rien à voir. Il va dire, toi, de toute façon, t'es connu pour ça, ça, ça, des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet de base. Il dépasse les limites. Peut-être même s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir, à tes parents, à tes proches, d'accord, il dépasse les limites. Ça, c'est parmi les sifats des munafiqin. Il dit فَإِنَ الصِّدْقَ وَالْقِيَامِ بِالْأَمَانَاتِ وَالْوِفَى بِالْعُهُودِ وَالْوَرَعْ عَنْ حُقُقِ الْخَلْقِ هِيَ جِمَاعَ الْخَيْرِ وَمِنْ أَخَصْ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ فَقَدَ وَحْدَةً مِنْهَا فَقَدْ هَدَمَ فَرْضًا مِنْ فُرُودِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ فَكَيْفَ بِجَمِيعِهَا. Il dit parce que la véracité et l'honnêteté et le fait de remplir les engagements et le fait de s'abstenir de dérespecter les droits des autres, cela c'est le contraire, ce sont les sifats du bien. Et ils sont parmi les sifats les plus, par lesquels se caractérise le musulman plus que les autres. Donc celui qui en aura perdu une de ces caractéristiques, les bonnes qu'on vient de citer là, la véracité, l'honnêteté, la fiabilité, et al-wara', c'est la retenue et autres, il en aura perdu une seule de celles-ci, il aura délaissé une des obligations parmi celles de l'islam et de la foi, alors que dire celui qui les a toutes perdues, car les quatre caractéristiques du munafiq s'opposent à ces quatre-ci. والمسلم ne peut renfermer ce genre de caractéristiques. Pourquoi? كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. Donc les musulmans, ils sont là le juste milieu. Ce sont des gens qui doivent être de confiance. Quels que soient les défauts qu'ils aient, il faut qu'ils restent des gens, lorsqu'ils parlent, on les croit. On peut avoir plein de défauts, mais tout ce qui concerne l'honnêteté, la fiabilité, la véracité, ça, le muslim, il doit être là-dessus, il doit être impeccable. Car il rapporte, il transporte, il reflète le message d'Allah Azzawajal. Celui par lequel les gens peuvent rentrer au Jannah, au fi au nar. Donc lorsqu'il parle, il faut que les gens disent, lui, il y a des choses en lui que je n'aime pas, des choses où je ne suis pas d'accord, mais quand il parle, je sais que ce qu'il dit, c'est vrai, il ment pas. Et je sais que lorsqu'il prend, il rend. Et ainsi de suite. Ça veut dire que lorsque tu enfreins l'une de ces caractéristiques, les gens vont trouver une excuse. Tu peux être paresseux, tu peux être peut-être avare, tu peux peut-être être coléreux, tu peux avoir différents défauts. Mais ceux-ci reviennent à une chose qui vont faire que ta da'wa sera rejetée. C'est ça qui est le plus important. Et les ennemis de l'islam n'attendent que ça de toi, de dire, bon, lui, de toute façon, on le connaît, c'est un menteur. Pour lui, c'est un ceci, c'est un cela, qui fasse que le jour où tu parles, eh ben, tu es discrédité devant les gens. Alors que demain, on dit que tu es paresseux. En quoi cela entache le message de l'islam? Rien. Mais si jamais tu es un menteur, ça, c'est grave. Tu es quelqu'un de malhonnête? Ah, c'est grave. Naam. Yaqul. فمن كان إذا حدث كذبا يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. Donc le fait de mentir, là, cela peut viser le fait de mentir sur Allah Azza wa Jal et sur la Sunna. Et celui qui ment sur le Nabi صلى الله عليه وسلم volontairement, comme dans le hadith, qui prépare son siège au feu. Dans le sens où Allah est dit, et qui donc est plus injuste que celui qui profère un mensonge sur Allah Azzawajal. Donc ça, c'est le pire des mensonges, c'est mentir sur la religion. Les gens de l'innovation rentrent dedans. Carrément sur Allah Azzawajal. Ils font croire que telle chose fait partie de la religion alors qu'on n'en fait pas partie. Sha'ara lam yashur. Qu'ils s'en rendent compte ou pas, l'innovateur amène à, également à mentir sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a complété le message, il a retransmis. Fait croire qu'en fait, qu'il manque quelque chose. Il y a des choses que le Nabi Sallam ne nous a pas dites. Donc moi, je vous apporte. Telle adoration, on peut la faire de telle façon. Si tu lui dis pourquoi les autres ne l'ont pas fait, ça reviendra à dire qu'en fait, il ne savait pas et toi, tu l'as su. Donc le Nabi Sallam n'a pas tout dit. Donc ça revient à quoi? À dire que la religion n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Donc ça revient à démentir le Coran et démentir la Sunna. Donc ça, c'est très très grave. Yaqul wa yashmilu al-hadith amma yukhbir bihi ou yukhbar bihi min al-waqa'i' al-kulliyyah wa al-juz'iyyah. Également, ça renferme le fait de mentir sur les faits qui se passent dans la vie de tous les jours. Qu'ils soient total ou partiel. Que tu mens sur, par exemple, tu as dit une chose que tu n'as jamais faite, tu crois que tu l'as faite. Ou tu mens sur quelqu'un. Ou tu mens sur un événement. Il s'est passé telle chose alors qu'elle ne s'est pas déroulée. Ça rentre dedans. Mais le premier est plus grave. Mentir sur la religion, cela est plus grave. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم وهي الكذب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى أو يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Celui qui agit de la sorte, c'est-à-dire qu'il ment, aura concorder avec les munafiqin dans leur pire des caractéristiques qui est le mensonge. Celui au sujet duquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, prenez garde au mensonge, car le mensonge appelle à la débauche, et la débauche appelle au feu. Et l'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir sans ce qu'il soit écrit au prophète d'Allah comme étant un grand menteur. Wallahi, hatta qabl fil mushrikin fi Quraysh kanu yastahiyun min al-kadhib. même les mouchikoun de Quraysh, les Arabes auparavant, parmi les choses qu'ils évitaient vraiment, c'est de passer pour des menteurs. Ce sont des gens qui ont une parole. Abu Sufyan, avant qu'il ne rentre en islam, lorsqu'il a été devant Hirakl, celui qui était un César de l'époque, et que ce dernier l'a interrogé sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur ses caractéristiques, il se disait, je n'avais peur de me faire dévoiler qu'on dise que je suis un menteur, j'aurais menti sur lui. Mais il n'a pas menti. Il n'est pas encore musulman à l'époque. Donc il a répondu à toutes les questions de Hirakl sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a bien dit, si je ne craignais pas que mon honneur soit bafoué en disant que je suis un menteur, j'aurais menti. Il ne l'a pas fait. يقول ومن كان إذا تؤمن على أموال والحقوق والأسرار خانها لم يكن بأمانته فأين إيمانه كذلك celui à qui on ne peut faire confiance dans l'argent ou dans les droits ou même dans les confidences et secrets lui il n'est pas honnête donc où est sa foi وأين حقيقة إسلامه et où est la réalité de son islam وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق هو موصوف بصفات خبيثة من صفات المنافقين. Il en est de même pour celui qui va trahir son engagement envers Allah, qu'il aura envers Allah Azzawajal, ou les engagements qu'il aura envers les gens. Et là, on parle de gens qui s'engagent sciemment et finissent par trahir. On ne parle pas de personnes qui, par exemple, malgré elles, tu avais un engagement envers quelqu'un, tu n'as pas pu le tenir, malgré toi. Il t'est arrivé une chose, là on parle de gens qui, quand ils s'engagent avec toi, ils savent déjà qu'il ne va pas faire ce qu'il va dire. Ils savent déjà qu'il va enfreindre, mais il te le dit comme ça. Vous voyez, bah, des fois, ça arrive souvent qu'on fasse une promesse ou quoi, puis il nous arrive un imprévu, quand on a la machin à faire, on ne peut pas. Mais au minimum, avertis les gens. Tu as rendez-vous avec un frère pour l'aider pour une chose, faut mettre sous le chez. C'est pas tu laisses le frère en plan, tu l'appelles au moment où tu dis « Ahi, Afouen, Hassan al kaza wa kaza, Artazir, il m'arrive telle et telle chose, je m'excuse, je pourrais pas venir. » Par exemple. Ça, c'est le minimum à faire. Et à quoi le kazalik Wa kazalika man la yatawarra an amwal al khalq wa hukukihim wa yakhtanimu furusaha wa yukhasim fiha bil batil yuthbit batilan ou yadfa haqqan فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان. Il a dit, il en est de même pour les personnes qui n'ont pas de retenue à prendre les biens des gens ou à prendre leurs droits, et même qu'il est aux aguets. Il cherche cela, c'est pas une chose qui vient et il fait, c'est quelque chose qui guette, il cherche à prendre le bien des gens, à les laisser dans leurs droits. Et également, lui, yukhasim fiha bil batil, ça veut dire qu'il sait qu'il a tort, et malgré ça, il fait des polémiques, il se défend. Il sait qu'il a tort à 100%. Il sait que c'est toi le mazloum, et que celui le zalim, malgré cela, tu vois, il parle comme s'il n'avait rien fait. Adib. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc il dit que ces choses-là, ce genre de comportement, s'opposent totalement avec ceux de la foi. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le Nifaq se divise en deux. Nifaq Amali ou Nifaq Irtiqadi. Le Nifaq Amali, c'est celui-ci dans ce hadith. C'est un nifaq qu'on pourra dire asrar, qui est mineur, qui n'exclut pas de la communauté. Mais il est très grave. Comme on l'a dit, c'est un chemin qui mène vers le kufr. Et l'autre, c'est le nifaq al-irtiqadi. Celui-ci, il sort de l'islam. C'est le fait de faire apparaître l'islam, elle y mène, alors qu'au fond de toi, tu n'y crois pas. Wa hadha kadhalik yakun riya, yadkhul fi riya, dans l'ostentation. Le genre qui est majeur. Car le munafiq, pourquoi il fait la salat? Pour montrer aux gens. Faire croire qu'il est musulman. Pourquoi il fait siyam? Pour montrer aux gens. Donc il ne fait pas ça pour Allah Azzawajal. Donc ça rentre dans le riya. Mais lui, contrairement au riya qui lui annule l'œuvre, lui son riya à lui il est akbar, donc il annule tout. Rien de ce qu'il fait n'est accepté car à la base il ne croit pas. Donc il n'a pas parmi les shurut de Kaboul et Amel, il n'a pas l'islam et il n'a pas l'ikhlas. En apparence, il va faire tout ça dans la sunnah. La salat, il va faire correctement. Mais l'islam, il ne l'a pas parce que c'est un munafiq. Et l'ikhlas également parce qu'il fait ça pour les gens, pour qu'on dise, pour se cacher, pour pas que les gens sachent qui il est. Non. ثم الحديث الثامن huitième حديث ça c'est un حديث il est important il donne un remède à un mal qui touche beaucoup de gens et qui est très simple mais les gens vont trop loin et lorsqu'on leur propose cette solution c'est comme si tu te moquais d'eux on dirait يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعيذ بالله ولينتهي وفي لفظ فليقول آمنت بالله ورسله وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Shaitan vient à l'un d'entre vous et il lui dit qui a créé ceci qui a créé cela Qui a créé ceci? C'est ce qu'ils disent. Qui a créé Allah? C'est ce qu'ils disent. Qui a créé ceci? Il va dire Allah. Qui a créé cela? Il va dire Allah. Qui a créé cela? Il va dire qui a créé Allah. Et Shaitan place le waswas comme ça. Dans une version, donc, j'ai pas fini le hadith. Donc, celui qui est atteint de cela, qui recherche refuge auprès d'Allah et qui cesse tout de suite. La question, elle sort de sa tête. Je cherche pas à trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse. À la base, cette question n'existe pas. Et dans une version, ces personnes disent, j'ai cru en Allah et en ses messagers, pour repousser ce waswas. Dans une version, il dit que les gens ne cessent de s'interroger sur les choses, jusqu'à ce qu'ils se mettent à dire, qui a créé Allah ? Hada yadul ala dham kasrat as-su'al. Quand les gens se posent trop de questions. D'accord ? Les gens se posent trop de questions, parfois des questions qui leur servent à rien du tout, en réalité, au point qu'ils arrivent à ce résultat-là, qui leur met des choukouks, des doutes dans leur religion. Et ça, c'est des waswasa. Donc, retenez de ce hadith que celui qui a un waswas, une association de shaitan, qui l'amène à remettre en question sa religion, c'est pas il appelle un frère, c'est pas il appelle un shaykh, c'est pas, c'est quoi? Yasta'iz billah wa yantahi. Yasta'iz billah, il fait a'ouz billah, et il a tout de suite de penser à ça. D'accord? Les gens, des fois, posent des questions, mais, il dit, il n'y a pas de message qu'il faut que tu fasses. La solution du waswas, dans le din, c'est celle-ci. Et le remède, qui c'est qui nous en a informé, c'est le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Azil, l'ayantiku anil hawa, celui qui ne parle pas par les passions. C'est ça qu'il faut faire. Mais il y a des gens, ils veulent aller, ils veulent une solution, une thérapie, je ne sais pas, on leur dit, c'est ça qu'il faut faire. Et on dirait, ils n'y croient pas. Taïeb. Yaqul adal hadith, احتوى على أنه لابد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم Le hadith indique que le shaitan va inévitablement provoquer ce sentiment de doute soit par le biais d'insufflation qui va te faire toi dans ta tête tu vas t'imaginer ou soit par le discours de personnes parmi les shayatines, des hommes qui vont avoir des discours pour te faire douter. وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ Et cela s'est déjà produit. فَإِنَ الْأَمْرَيْنِ وَقَعَ Les deux sont déjà arrivés. La waswasa, d'accord, et également le discours des shayatines. Et ces shayatines, on les trouve chez qui également Hadith Sabir, chez les munafiqines, qui vont te faire douter dans notre religion. Il n'y a qu'une question tu crois que c'est une question innocente, en fait, c'est de faire douter. Alors, il va venir avec deux versets. Lui, il va te faire croire, je sais qu'il n'y a pas de contradiction, mais en fait, il veut mettre en toi qu'il y a une contradiction, en fait, pour que tu doutes. Il va venir avec un hadith, mutashabir, dans lequel il y a une équivoque, et il va te mettre une shubuhat, comme ça. Mais ce hadith-là, ça ne veut pas dire telle chose, mais pourtant. Et il va te faire comme ça. Et toi, si jamais tu n'es pas averti, il va partir avec ton chèque, et là, tu rentres dans le waswas. Donc, si jamais ça t'arrive, voilà le remède. Alors, des fois, des frères nous appellent, ils disent, j'ai une choubouette. C'est quoi? Il dit ça. Tu dis ça, c'est un waswasa. Une fois, un frère m'a demandé, c'est quoi la différence qu'un waswasa et une choubouette? Waswasa, ça vient de shaitan, une chose qui n'a pas d'origine. Une choubouhad, c'est une chose qui est une erreur basée sur une vérité. Dans une mas'ala, c'est une chose qui n'est pas claire, elle est ambiguë. D'accord? Alors que le waswasa, c'est une chose à la base, elle n'a même pas d'origine. Comme la question, man khalaq Allah, c'est une origine, cette question-là, elle n'a aucune origine. C'est dans ta tête, c'est le waswasa, ça vient de shaitan. Et là, la choubouhad, l'ambiguïté, elle va devenir soit par ton ignorance, ou soit par une personne des passions, ou autre, ou un manque de recherche de ta part, une mas'ala. Tu n'auras pas assez enquêté dans une question, et donc ce sera ambigu pour toi, ce ne sera pas clair. Vous savez? Mais la waswasa, ça vient de shaitan à la base, ou de nefs al-ammaratun bisu, de ton âme qui incite au mal, pour te perturber, d'accord? Et te faire douter dans ta religion. Yaqul, لا يزال الشيطان يدفع الى القلوب الى قلوب من ليست لهم بصيره هذا السؤال الباطل. Donc, Shaitan a de cesse de ramener cette question dans le cœur de ceux qui n'ont pas de clairvoyance en religion. ولا يزال اهل الالحاد يلقون هذه الشبهه التي ابطل الشبهه. Et les gens, quand on dit l'ilhad, ceux qui ne croient pas, soit les athées ou autres, qui ne cessent de venir avec des choses pour t'emmener avec ce genre de questions en ta tête. يتكلمون عن العلل عن مواد العالم بكلام معروف. Ça veut dire, Ibn, tu amènes des choses, des causes ou des choses qui pourraient paraître rationnelles pour te faire comprendre que c'est tellement évident et ta religion s'oppose à ça. Donc, ça veut dire pour toi, t'as pas le cerveau, quoi, ils vont dire. Tu réfléchis pas, regarde, il y a telle chose. Et toi, malgré tout, avec ta religion, tu as telle chose. Ils disent, c'est devant tes yeux, regarde. Mais ça, de quoi ils servent en cette époque, l'homme préhistorique. Vous ramène plein de trucs, des ossements et tout, ils disent, voilà, vous dites que on est créé d'Adam. Ces ossements, expliquez-les-nous. On dit, moi, j'ai pas de réponse, mais je sais que c'est faux. Est-ce que c'était pas des singes? Je sais pas. Est-ce que c'est pas des ossements qu'ils ont inventés? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pas une autre forme de créature qu'on ne connaît pas? On ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vient de Adam, et Adam, il était beau. Et Adam faisait plus de 60 coudées de haut. 60 coudées, ça fait combien, à peu près? 30 mètres. Donc, vos squelettes, là, c'est pas, voilà, on n'y croit pas. Mais malheureusement, celui qui est un petit peu frêle dans sa religion, il va dire, c'est vrai, ça se fait, ça. Il y a des ossements, il y a des musées, il y a des choses. Et c'est là, c'est concret, des faits scientifiques, il va douter. On dit, t'as pas à douter. T'as pas à douter. Ça, on connaît pas. Est-ce que l'islam recule ces choses-là? En apparent, non. Est-ce qu'elle confirme? Non plus. Donc on délaisse. Mais nous, on a les textes qui disent qu'on vient de Adam. Donc bien sûr, il n'y a pas à discuter. Ou aussi une question que souvent des gens y posent, les dinosaures. Il y en a qui posent des questions des dinosaures, mais les dinosaures, ils existent, ils étaient gros. On dit, les dinosaures, on peut avoir une solution, si tu veux. C'est un frère qui avait donné la... On était à des mages qui avaient parlé de ça, il avait une bonne réponse. Il a dit, les dinosaures, nous, ni on dément, ni on confirme, mais on dit que c'est pas une chose qui s'oppose à la religion, car on dit que Adam, comment on dit, combien il mesurait Adam? Près de 30 mètres. Tu penses qu'il y a des animaux de la taille de nos animaux à nous? Il y a des gros animaux aussi à son époque, on suppose. Donc... Peut-être que c'était des animaux de son époque, on ne sait pas, qui étaient gigantesques. Maintenant, ce qui ressemble à ce qu'on nous montre là, le T-Rex ou je ne sais quoi, ça, je ne sais pas. Même eux, ils ne savent pas. Ils te mettent un reptile, tu ne sais pas si c'est un reptile. Se trouve, il avait des poils, se trouve, il avait des plumes, se trouve, il avait une matière qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Ça, c'est que de la fiction, le reste. Si les ossements, ils sont vrais, on dit des animaux géants, on y croit qu'ils ont existé. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Quoi qu'il en soit, ils vous mettent à longueur de journée des informations sur les faits scientifiques modernes, pour faire douter les croyants de leur religion. Et vous voyez, comme on dit, ces sciences modernes, bah, souvent ils sont amenés à dire, bah, en fait, on s'est trompé. On a découvert autre chose. Et ainsi de suite. Les sciences modernes. On a découvert telle et telle chose. Telle et telle chose. Ou finalement, on s'est rendu compte que telle et telle chose n'était pas bonne. Ils passent leur vie à chercher des choses qui leur servent à rien. Et à se remettre en question. Et malheureusement, parmi nous, il y a des faibles, bah, qui doutent à cause de ça. Nous, le socle, c'est le wahi. Le Coran et la sunna, il n'y a pas à douter. Ce qui coordonne, on accepte. Ce qui s'y oppose, on rejette, en bloc. Et ce qu'on ne sait pas, on s'abstient de répondre. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait al-kitab, la al-kitab, ou la tussadikouhum. Les gens du livre, ni on les dément, ni on affirme ce qu'ils disent dans ce qui n'a pas de texte qui s'oppose à la religion. On dit, possible. Je ne sais pas, possible. Donc vous éparpillez pas trop à lire trop de choses, parce que ces gens les écrivent. Ça peut amener à des waswasa. يقول: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى الدفع على السؤال بأمور ثلاثة. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a indiqué trois façons de repousser ces wasawis. بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. Donc, premièrement, de cesser. Cette chose-là, t'arrêtes d'y penser. Ça sort de ta tête. Deuxième, ta'awwudh. Tu recherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et troisième, bil-iman, par la foi. Tu te rappelles, tu dis, amantu billahi wa rasuli. Je crois en Allah et son messager. Et tu vois que ça va partir. Si ça part pas, c'est que il y a un problème dans l'un des trois, ou dans les trois ensemble. Si tu fais les trois, concrètement, sincèrement, al-ta'awwudh. تستعيذ من الشيطان الرجيم. Tu cherches refuge contre le shaitan, car c'est lui qui vient avec ce genre de waswasa. Donc ça ne sort pas ces trois-là. Et sache que plus tu auras du ilm, et moins tu seras atteint de ce genre de waswasa. Comme l'auteur le dit, souvent ça vient sur les gens qui ont un manque de savoir. D'accord ? Ou des gens qui posent trop de questions pour rien. Des fois, des gens posent des questions. Et on leur dit, tes questions-là, là, c'est juste une diversion de Shaitan pour le sortir. Ils sortent des questions sur des choses, des faits qui n'ont peut-être jamais eu lieu et qui peut-être n'auront jamais eu lieu, et tu les vois, ils psychotent là-dessus. On dit, Ari, est-ce que tu as déjà connu une situation telle quelle ? Bah, dire non. Tu penses qu'elle va arriver ? Bah, dire non. Bah, pourquoi tu la cherches alors ? C'est un exemple que je donne souvent, comme des gens qui vont te dire, Ari, si demain je suis sur la lune, je fais tayammum, il n'y a pas d'eau, je fais comment ? Tu vois ? Je dis, bah, va sur la lune, quand tu seras, tu demanderas, Inch'Allah. Pour dire, cette question, elle ne sert à rien du tout. Tu vois ? Cette question, il y a des gens, des fois, ils ont des questions, ils s'imaginent des scénarios, ils cherchent un hukm shal'i. Ils disent, mais tu veux un hukm d'une masala qui n'existe pas à la base. Tu vois ? Pour te faire oublier des choses essentielles. Va pas trop loin, reste. Contrairement à la khutbah, eux, ils vont trop loin, ces gens-là. Ils cherchent des choses qui sont trop loin. Ils disent, reste devant toi dans la réalité des choses, et quand tu as une masala qui te concerne, concrètement, là, tu te demandes. Mais des choses qui sont des scénarios, tu n'es pas les cheveux, ça sert à rien. Tu vas te fatiguer toi et tu vas fatiguer les autres. Et ça ouvre la porte au waswasa. D'accord ? Il y a un autre beb dans lequel le waswasa, il en trouve beaucoup, c'est le qadar, le destin. Ça, c'est le plus grand beb des waswasa. Les gens, ils se disent, ils posent des questions, mais si Allah, pourquoi ? Ce pourquoi-là, il est super dangereux. Wallah, limaza, cette question-là, jetez-la contre le mur. Mais pourquoi ? Je parle dans ce qui est elle est retirée bil qadar. T'as pas un pourquoi quand tu comprends une sagesse dans un jugement. Je parle des choses qui ont attrait au qadar, au destin. D'accord? Cette question-là ne revient pas. El qadar sirullah. Le destin, c'est le secret d'Allah Azzawajal. Ça nous dépasse. Tant ça nous dépasse que si on rentre dedans, on va se noyer. Et des gens, moi je connais, qui peut-être étaient aux portes de la ride de l'apostasie à cause de ça. Le qadar. Il dit, j'y crois, mais j'arrive pas à comprendre telle chose. T'as pas à comprendre telle chose. Allah, t'as pas besoin de comprendre. T'as besoin de croire, c'est tout. Ouais. C'est comme les sifat. Comme a dit les ulama, la yajouz atafakkur fi dhatillah. Tu n'as pas le droit de réfléchir dans le sens d'Allah et ses attributs. Tu penses qu'il est venu comme ce texte, mais réfléchir, là, tu réfléchis pas là-dedans. Le comment, tu vas te perdre. Dis, tel sifat, t'as un dalil, t'y crois. Tu t'arrêtes. Va pas trop loin. Vous voyez ? On réfléchit dans quoi ? Dans la création d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il a créé, ce qui est autour de nous. Amma fi dhatillah fa hadha ma yajuz. Tu réfléchis sur Allah lui-même, tu ne peux pas. Et tu vas te perdre. Et tu peux tomber de très haut, malheureusement. Il faut que l'insan, il reste mutawadhi, il reste modeste. Qu'à la base, il ne sait rien, c'est Allah qui lui a tout enseigné. Donc il espère chaque fois en savoir trop. Naam. طيب حاجة الأخ طيب من دو يوم بس عتي سي كمان لوت حديث ما قد استحضرته donc retenez de ce hadith العلاج ضد الوسواس الرميد contre la waswasa ما هي c'est quoi le remède قبل première étape T'arrêtes tout de suite. Arsent. Deuxième. Troisième. Al-Iman. Amantum billah. Rasuli. C'est tout. Est-ce que c'est dur à faire? Ben, quand vous voulez voir quelqu'un qui est mouassouès, dites-lui ça. Soit il va écouter, soit vous pensez que c'est toi qui es mouassouès. Ben, j'ai une question comme ça, c'est ça que tu me dis comme réponse. Je dis, c'est ça que le Nabi s'en fait, il a dit. Il n'y a rien d'autre à te donner. Ah là. Ah là, il y a trop le fikadali, fil waswasa, fimada. Qui est une chose qui est plus fréquente, c'est fil tahara. Dans la purification. Vous voyez? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yati ahadukum fi salatihi. ويقول له أحدثت فليقول كذبت فلينصرف عن الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا l'un d'entre vous dans la salade, Shaitan lui vient et lui fait croire qu'il a eu مثلا, des gaz ou autre, qu'il a perdu l'oiseau. Donc il a dit qu'il ne sort pas de la salade tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou senti une odeur. Pour dire que tu sois sûr. Sans quoi sinon soit ça. D'accord. Et كذلك pour l'eau qu'on utilise. Des fois des gens dans l'eau, ils ont des waswasas. Peut-être que l'eau, il y a ça. Peut-être... Il y a un affaire de Omar, qui est passé sous une bâtisse, et de l'eau est tombée sur son compagnon. Ils étaient plusieurs à marcher, et l'un qui a été atteint par de l'eau. Une gouttière. Et cet homme a dit, Ya sahib al-dar, min aina hadha al-ma. Il a dit à l'homme de la maison, cette eau, d'où elle vient? En bas, il a dit, ne demande pas d'où elle vient. Là-bas, c'est que l'eau, elle est pure. Tu te mets à trop chercher, tu vas devenir fou. Là-bas, c'est que l'eau, elle est pure. Est-ce qu'il y a une odeur? Non. Il y a une couleur? Non. L'eau, elle est pure. Ne demande pas d'où vient l'eau. D'accord? Donc, ça, c'est pour fermer les portes au waswas. Le waswas, il vient trop, trop vite. Et dans plein de domaines. Ici, par exemple, de la nourriture. Gadalik. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Si t'es sûr que c'est haram, t'as une preuve. Tu connais cette entreprise ou ces gens. Là-bas, c'est que c'est un musulman. Tu dis que c'est halal. Tu ne connais pas le mal de lui. D'accord? Ah, sur la base, c'est halal. S'il a menti, c'est lui qui a le péché, c'est pas toi. Car le but n'est pas de manger halal en soi, mais le but est de ne pas désobéir à Allah Azzawajal. Donc toi, t'as face à toi un muslim qui de base est de confiance. Il te dit, c'est halal. Pourquoi tu vas chercher plus loin? Il te dit, c'est halal. Voyez? Kafi hadith Aisha, qalatana unasan yatun bilhum. Aman adriel sammu amla. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sommu antum. Aïcha dit qu'il y a des gens qui sont venus avec de la viande. Elle dit, on ne sait pas s'ils ont nommé Allah. Et elle a dit, vous nommez Allah. Sur la base qu'ils ont égorgé. Tu ne sais pas nommer Allah. Il n'a pas dit, jette la viande, va demander. Donc aujourd'hui, si jamais tu as un doute, ou tu as des indices qui t'indiquent que la viande n'est pas halal, t'es laisse. Si tu n'as rien qui s'oppose à cela, va pas faire une enquête. Mais juste si la personne t'a menti, sache que c'est elle qui a le péché, pas toi. T'as dit si c'est un muslim qui te dit que c'est halal. Qui est de base. Il n'y a rien qui te montre qu'il n'est pas fiable ou quoi. Tu vois, sur la base qu'il dit que c'est halal, c'est halal. Et si c'est un coupable. Un kafir. Il va dire c'est halal. Tu peux lui demander un certificat ou quelque chose. Tu vois, une preuve. Ah, mais c'est un muslim qui te le dit. Tu vois. Et s'il dit, je ne sais pas, on m'a dit que c'est halal. Voilà. Mais s'il dit c'est halal, halas. Tu vois, c'est halal. C'est pas bien de dire, ouais, c'est t'as menti, c'est toi, hein. Non, ça, elle met la pression. Tu dis, toi, il est, l'affaire, elle est réglée. Si demain, t'apprends qu'il a menti ou quoi, là, c'est autre chose. Voyez? Mais c'est vrai qu'il y a des organismes ici qui sont connus pour pas être fiables. Certains. Mais quand tu sais pas, et que c'est un musulman qui te parle, d'accord? Là-bas, c'est qu'il va dire la vérité. Ça revient au premier hadith, les frères. Être honnête. Être honnête et véridique. Ça arrive même à faire douter les gens dans la viande. Si t'es malhonnête et que t'es un menteur, quoi que tu fasses, même dans le négoce, les gens vont douter de toi. Ça, c'est grave. Et ça, c'est parmi les pas des bonnes affaires que même celui qui te ment, qui te dit que la viande est halal alors qu'elle l'est pas, ou il te garantit qu'elle l'est alors qu'il sait pas, en fait. En réalité, il sait pas. Non, c'est halal pour te la vendre ou quoi. Alors, Charlie, il y a trop le fils, c'est pas des bonnes affaires. Vous voyez? On a que t'as vu bien là.